Le poulain est né, il est si fragile encore. Le poulain est né, je vais bien le soigner. Le poulain est né, dès le matin à l'aurore. Le poulain est né, je vais bien le soigner. Je lui achèterai de l'herbe et des tas de serre gelée, de la luzerne superbe, de l'avoine ou bien du blé. Puis j'étrierai sa traîne, ensuite je la brosserai. Ses jolis souliers de corne, je lui cirerai. Allez, tous avec moi! Le poulain est né, il est si fragile encore. Le poulain est né, je vais bien le soigner. Le poulain est né, dès le matin à l'aurore. Le poulain est né, je vais bien le soigner.